combien de morts a-t-il sur la conscience? Même si ce n'est pas lui qui appuie sur la gâchette, il est le porte-parole de notre déchéance, du fléau qui noircit le tableau de la planète. Chaque jour de mauvaises nouvelles, sa masse capillaire devient aussi dense, elle semble croître de manière exponentielle. Sur ce point, PPD ne tient pas la distance. De son air monotone, nous donne chaque soir de mauvaises nouvelles des hommes. Porte-parole de la faucheuse dès qu'il prend l'antenne, il tient la comptabilité scrupuleuse de la moisson quotidienne. Mais comment un homme peut-il assumer à lui seul comme un linceul. Chaque soir à 20h, David Pugila rend le service public et de l'espoir sonne le glas.